Amis aventuriers, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonsoir à tous. Sous. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de la deuxième saison de Krolanta. On va vous parler aujourd'hui, eh bien, devinez quoi, de Koh-Lanta. Avec moi aujourd'hui, Lucas et Louis. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Ça va très bien, voilà. Et Lucas, pareil, ça va aussi? Le petit doigt se remet de ses émotions? Écoute, il fait un peu la gueule, mais ça va. T'inquiète pas, avec ce 11e épisode, il va se redresser. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, eh bien, des épreuves au second plan et beaucoup de stratégies. Je pense qu'on peut le résumer comme ça au final, cet épisode. Ah ouais. Les épreuves étaient marrantes quand même. Ah bah, ça tombe bien, on va en parler. Mais d'abord, la minute de Louis. Quoi? Alors, je vais lire le conducteur en une minute. Non, je rigole. Allez, on y va, c'est parti, générique à la bouche. Alors, c'est dur de compter les toutoutous, hein. Ouais. On ouvre un épisode 11 sur, eh bien, la fin de l'épisode 10, il se trouve, hein, puisqu'on arrive avec la fin du conseil où Fabian se fait éliminer et les jeunes se délectent un petit peu chacun leur tour de leur joli coup face aux rouges qui ont un peu bien le seum quand même. Oui. Une image assez plaisante avec Tiffany qui dit « Ah bah nous on a bien rigolé hein. ». Et Magali qui raconte le truc qui était déjà à mourir de rire à regarder, qui était à chaque fois qu'il y avait un papier qui écrit Magali, j'arrivais pas à sourire. Et plus ça allait, plus elle souriait, c'était trop bien. On a aussi vu l'arrivée de Fabien sur l'île où il y avait, comment il s'appelle? Où il y avait Sébastien et Marvin. Fabien. Ah pardon. Et alors du coup on m'a fait remarquer moi sur Facebook qu'on avait bien géré notre imitation. Parce que Fabien a commencé sa première intervention par un monstre, on sait quoi. Ouais, ouais. Incroyable. Il a justifié mes dires, tu vois, j'étais content. Et Sébastien a bien appuyé le fait que Maxime était une girouette. Ah bah forcément. Donc toi, on a plutôt bien géré notre coup, si vous voulez réentendre ça, c'est à la fin de Krolanta épisode 10. Et si on l'a pas dit, Seb s'en sera chargé d'avoir dit Maxime, même quand il fait caca, il pleure. Sérieux, il l'a dit? Oui, il a dit. Maxime, de toute façon, même quand il fait caca, il pleure. Même quand il fait pipi, il pleure. Bah, quand on fait pipi, on pleure tous. C'est vrai. Peut-être que lui, il pleure de tout en même temps. Oh putain, la vache. Ah bah, ça serait quelque chose. T'imagines, il pleure aussi, il met des larmes dans tes plats quand il te sert dans ses restaurants. Oh, mec, il te fait de la... T'imagines, il pleure quand il parle de sa femme. Ah merde. Bon, passons. Mais c'était sympathique quand même ce petit moment entre les trois, j'ai trouvé. Bah, ça fait toujours plaisir de voir Marvin en fait. Mais pour le coup, ouais. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a fait Fabien aussi qui était en mode bah ouais, j'ai perdu et bah tant pis quoi. Bah, il était en mode bien joué aussi. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de bons joueurs et cool, bien joué et... Ouais. Et voilà. Par contre, tu sens que les mecs, si Maxime il arrive à leur finale, il va pas gagner. Ouais, c'est ça, ouais. Même Maxime, il le sent. Oui. Donc, est-ce qu'on enchaîne immédiatement sur l'épreuve de confort? Je me souviens plus s'il se tire un peu la nouille avant. Oui. Oui, un petit peu. Il y a quelqu'un qu'on commence à entendre un peu beaucoup, c'est Mélanie, qui commence à dire que c'est vraiment une trahison horrible parce que ça commence à bien faire ces jaunes qui veulent pas se laisser éliminer. Et ça, ouais. J'ai l'impression que ça vous a saoulé un petit peu. Ah bah moi, si tu veux, moi tout le monde sait très bien ce que je pense de Mélanie, mais j'ai l'impression qu'à cet épisode, elle se révèle au grand jour. Elle montre enfin son visage de sorcière que j'avais détecté à distance avec mes yeux laser anti-suisse. La lunette anti-suisse, mon gars. Ouais, fois 6, poum. Hop là. Ma longue vue de Savoie, mon gars. Chouin. On les voit, okay. De chez nous, mon gars. On vous surveille. Ouais, c'est ça. Ouais, non, bah pareil, ouais, j'étais un peu du côté la semaine dernière, j'étais encore un peu comment dire, peut-être que c'était la théorie de Magali qu'elle développe à un moment dans l'épisode, peut-être que les charmes de Mélanie m'avaient aveuglé, mais là clairement vraie sorcière, vraie connasse quoi, il y a pas l'autre mot, hein. Au bûcher. Oui, mais on en reparlera plus tard parce que évidemment ça progresse tout le long de l'épisode. Ouais, carrément. Et ben j'enchaîne sur une épreuve de confort, une première épreuve qui tatatam Denis Suspense. Nous annonce qu'elle va se dérouler en binôme, mais pas une épreuve en binôme, parce que l'épreuve d'immunité sera elle aussi en binôme. Mais ça ne s'arrête pas là, les binômes, puisque au conseil, le binôme qui sera éliminé enfin le mec qui sera éliminé emmènera son binôme avec lui sur l'île du jury. Il y aura deux éliminations cette fois-ci, ce qui remet complètement en question les alliances actuelles entre les ex-jaunes et les ex-rouges, les anciens, les jeunes, et ça va créer quelques problèmes. Mais tout d'abord, une épreuve de confort où les équipes se sont tirées au sort, il me semble. Hein. C'est ça. Avec des petites boules où Damien... Petit caillou. Ah, oula, Damien. Oh, mon a pu Dieu, se Damien. Faire plaisir. En Y. En Y sur l'autoroute. Est-ce que vous avez entendu que Damien a mis le son des boules avant que les gens mettent la main dans le sac? Denis prend l'espèce de... La porte près de, je me souviens plus si c'était Magali ou je sais plus qui, et là déjà, tout de suite, je me suis dit, il n'aura pas une. On rappelle pour une. Tout le monde, Damien, c'est le stagiaire qui fait les edits sonores. Ouais, stagiaire son, FX artiste. Oh là là, c'est trop bien. D'ailleurs, c'est pas très légal. Il va toujours de sa petite patte personnelle. Ça fait un an qu'il est en stage, le Damien, quand même. Il serait peut-être temps de passer un CDD. C'est un nouveau Damien. Ils embauchent que des Damiens. Ce n'est qu'un masque. Ça sera Damien, mais pendant 10 ans. Mais donc, on se retrouve avec 4 équipes, Maxime et André, Romain et Marguerite, Mélanie et Tiffany, et Sandrine et Magali. Donc, quelque chose qui est plutôt bien mélangé et qui fout plutôt bien la merde dans les alliances. Parce que quand même... Il n'y a aucun jeune avec des jeunes et aucun vieux avec des vieux. Si, il y a Romain et Marguerite. C'est les deux seuls qui sont ensemble. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai. Les deux seuls qui sont... C'est quand même un jeune avec une vieille. S'il y avait eu deux jaunes ensemble, on aurait été quand même un peu dans la merde, tu vois. Ouais. Un Mélanie, un Tiffany Magali, ça aurait été parfait. Allez, hop là. Carrément. Et donc l'épreuve, qu'est-ce qu'elle est? Quelle est-elle? Que quoi-ce? Qu'évados? Le mec ne s'arrête plus. C'est un vieux parcours du combattant à 2 balles ou à 2 candidats. C'est le cas de le dire, ou à 2 boules. C'est ça, non? C'est un parcours du combattant, au final. Ouais, ils sont liés par une corde. Je crois qu'il y en a pas un qui est aveugle. Ah non, c'est dans l'autre. Ah putain, c'était la même ça, chose. Ça, c'était merde. Tuc Dual avant. Salaud. Rigole, je t'aime, Tuc Dual. Non, donc ouais, ils se tapent un vieux parcours du combattant à 2, où je crois qu'ils devaient peut-être bien être accrochés, ou je ne sais quoi. Et à la fin, c'est une épreuve qu'on a déjà vue plein de fois, où ils doivent récupérer des palets avec un grappin. Donc chacun doit récupérer un palet, il y en a un qui est plus proche que l'autre. Ah oui. Maxime et André sont un peu en retard. En gros, dans les premiers, je crois que t'as Mélanie et Tiffany et Sandrine et Romain et Marguerite. Ils sont en train de faire leur putain de truc de lancer de grappin. Et au final, t'as André qui arrive, qui prend le grappin, il fait tourner, il chope un caillou en un coup. Boum. Et Maxime réussit en quelques à-coups à choper le truc et il remporte l'épreuve. Il n'y avait pas plus de suspense que ça en vrai, je trouve. Et ben pareil, pas beaucoup d'intérêt. Ça va que si pour une fois il y a eu un peu de changement. C'est-à-dire que ça, on a évité l'effet qu'on avait eu la dernière fois où en fait il y avait que le premier qui gagnait, patate patata, c'était nul. C'était rigolo parce que heureusement qu'il y a eu le coup André et Maxime qui faisaient leur truc. Ils étaient mignons, ils criaient comme des fous quand ils ont gagné, parce que Maxime évidemment toujours dans la rue. Bon, mais c'était plein d'épreuves pourries. Enfin voilà. Ça nous fait presque regretter les trucs où il y avait 25 trucs à faire dans tous les sens, un coup sur la tête, un coup sur un pied, allumer la torche, tirer à l'arc, nanana. Tellement là vraiment c'était la kermesse de l'école une fois de plus. Ouais, mais c'était rapide, non? Enfin, je sais pas. Au moins, ça allait. J'étais pas très concentré à ce moment-là, mais j'ai eu l'impression que c'était rapide. Non, mais c'était distrayant parce qu'ils étaient pleins. C'était rigolo. Ouais, moi non plus, j'ai pas vraiment suivi l'épreuve. C'est toujours rigolo de voir André essayer de passer dans des trous qui font 50 cm de toute façon. Voilà. Et surtout, ce qui était très drôle, c'était Romain qui essaye de motiver Marguerite pour le grappin, tout en se retenant de se mettre des coups de poing lui-même dans la tête, tellement il facepalmait de gêne, quoi. Parce que vraiment, il disait, allez Marguerite, allez Marguerite, allez. Et hop là, 1 mètre à côté. Donc une victoire de Maxime et André. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Oui. Ah, il faut dire ce qu'ils ont gagné. Et j'y venais. Mais tu peux le dire, vas-y, je te laisse. Et le ils plaisir. Ont gagné un brunch. Bah ouais. On peut dire ça, ouais. C'était un petit déjeuner worldwide avec du salé, du sucré. Donc il y avait quoi? 3 pains au chocolat pour chacun, du bacon, de la pâte à crêpes, des œufs. Et des lardons, je sais pas, un truc comme ça. Ou la possibilité d'aller sur l'île au paradis. L'île du paradis perdu. Le paradis perdu. Alors ça vraiment plus personne n'en a rien. Ouh, à tout foutre. Le monde là, tout le monde s'en bat les couilles. C'est ce que peut-être même Marguerite elle a peut-être plus envie d'y aller, tu c'est vois. Exactement ce que je me disais, c'est-à-dire que en fait comparé face au confort et tout, honnêtement, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. C'est quoi votre avis là-dessus? Bah, c'est que oui, ils s'en foutent, mais c'est peut-être pas un bon pari, parce que ça leur aurait peut-être pas fait de mal pour la suite de l'aventure d'avoir un collier d'immunité, André et Maxime, par exemple. Ouais, mais c'est trop aléatoire en soi. Quand ils pensent, enfin, c'est. Ah bah soit, oui. Quand même, quand tu vois le brunch qu'ils se sont tapés, c'était quand même une tuerie. Et à côté de ça, t'as aller dormir sur une paillasse toute moche et galérer à trouver un coffre dans lequel il y aura peut-être un truc qui dit « Voici un bon pour aller au prochain confort !» Tu vois, merci quoi. Non, bien sûr, non, je suis bien d'accord. Je disais juste, effectivement, est-ce que c'était un si bon plan que ça? C'est facile à dire à la fin, mais on n'est pas sûr. Je pense que c'est facile de dire que quand t'as pas mangé depuis 30 jours... Quand on me dit il y a des œufs et du bacon, moi je pense que forcément t'en as plus rien à foutre. Ah oui, je comprends leur choix. Moi ce que je me dis c'est finalement prendre le paradis perdu aurait pu influer sur leur aventure c'est ce moment-là sûr. Du jeu. C'est ça que je voulais dire, tu vois. Donc ça, c'était pas si inutile que ça. Mais bon, c'est facile à dire encore une fois. Non, mais tu sens bien que Denis insiste quand il leur fait cette proposition, tu vois. Ouais. Ça pourrait vraiment vous aider, vous savez. N'est-ce pas, Maxime? Regardez, Tiffany, à qui on a donné un collier. Et donc, pendant que Maxime et André se délectent de ce brunch et de ses œufs, oh là là. Ce qui dure à peu près 2 heures, hein, c'est ce qui va en ressortir, ouais. Sur le camp réunifié, le camp blanc, ça parle stratégie. Et là, il y a quand même de quoi parler, parce que ça dure quand même très très longtemps, et moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je vais peut-être laisser Lucas commencer sur cette petite discussion stratégique. Qu'est-ce qui se passe? Qui discute de quoi? Du coup, ouais, tout le monde est un peu chamboulé par rapport au duo. Donc, je crois que ça commence. T'as Magali, Mélanie qui est dans l'eau avec Sandrine et qui sont en mode putain, comment on va faire pour virer les salles jaunes? Non, c'est exactement ça. Les salles jaunes, parce que ces fils de pute nous emmerdent dans ton aventure entre rouges. Ouais, c'est... J'avoue. Faut aller jusqu'au bout de leur pensée, ouais. Ça s'appelle Rouge Lanta, quand même, merde. Le choc des anciens. Je comprends pas, là. Pourquoi ils ont mis des jeunes? Et donc, du coup, ils sont en mode, merde, comment on fait? Donc, ils se rendent plus ou moins compte que, Romain et Marguerite sont, ça va être chaud. C'est chaud déjà, c'est des anciens, c'est deux rouges, donc il faut pas les virer parce qu'ils font partie du pacte des rouges, El Famoso pacte des rouges. Et en plus, il a un collier, donc voilà, ils se disent, bon, Romain, c'est pas viable. C'est la problématique. Très vite, il y a un consensus qui se fait entre Sandrine et Mélanie, qui est qu'elles ne veulent pas voter l'une contre l'autre. Il me semble qu'il y a aussi une discussion Tiffany et Magali, et elles non plus. Bah, je pense que Magali, c'est complètement exclu dans le sens où elle a filé son collier, Tiffany lui a filé son collier à l'épreuve précédente. Et Tiffany, elle a l'air de bien aimer Magali, vu qu'elle lui a quand même filé un collier. Ah bah elle s'adore, elle est son copine comme cochonne. Donc elle s'en mode, bon bah... Comme cochonne. Comme cochonne. Excuse-moi, vas-y, continue. C'est pas possible. Ouais, tout le monde se dit, on va voter pour André et Maxime. Donc Mélanie est en mode, bon j'aime bien André, mais quand même Sandrine, c'est quand même ma meilleure copine, la postière. Et bon, personne n'a de remords, j'ai l'impression à voter contre Maxime. Non, je sais pas si vous en avez alors, dit. Non, déjà, non, ça, totalement. Non. Et contre André, pas du tout, après lui avoir dit gna gna gna, mon petit bouchou, patati patata. Après, il y a eu... Donc ça, avant, c'était « T'es avec nous, t'es notre gentil jaune », parce qu'il faut toujours avoir un ami jaune, quand même, sinon tu peux pas taper sur les autres. Ensuite, ça a été « Ouais, désolé, on t'aime vraiment bien, on vote pas contre toi, mais on peut vraiment pas t'aider, là, pour te dire qu'est-ce qui va se passer pour tes amis jaunes ». Puis là, cette fois-ci, c'était « Ouais, allez, on le dégage, le petit grassouillet, là, ça va, il en a fait assez ». Non, c'était pas fait comme ça. Ils se sont pas posé la question très longtemps. Ben, c'est ça, en fait, mais c'est... Ils se disent « On peut pas éliminer machin ». On peut pas éliminer André, donc on va éliminer Maxime. T'sais, alors que là, pour le coup, c'est exactement la même chose. Bah, ça a été, tout le monde a fait ça, tout le truc, quoi. Bah, tout oui. Le monde a vraiment targeté une partie. Ouais. Bah, c'est du parce que c'est vraiment ridicule. Bah, c'est ridicule. Le chemin de pensée a été vraiment ridicule, tu vois. C'est même pas à se dire, ah, mais machin, il est plus fort que, donc tant pis, on sacrifie André, tu vois, ou on vote Marguerite pour sacrifier Romain, ou l'inverse. C'est même pas ça, c'est, on vote pour Maxime, parce que j'ai pas envie de virer ma copine. Mais bon, tant pis pour André. Pour André. Ouais. Mais c'est même pas un choix stratégique pour les épreuves ou quoi que ce soit. C'est vraiment défaut. Attends, faut pas en demander beaucoup. Hein. C'est par copinage et par défaut de copinage, vraiment. En rappelant quand même que Maxime, alors malgré ses écarts de conduite répétés et le fait qu'il agace quand même légèrement les gens, ce que je comprends, il est quand même censé être rouge depuis le début, lui. Oui, ben bon, il a backstab plusieurs oui, fois. Mais bon, comme Fabien, il est comme Fabien. Hein, il est surtout, pas plus. Je vous rappelle beau coup du sort quand même, parce que au conseil précédent, il a voté André et il se retrouve avec lui en binôme. Oui. C'est quand même rigolo, je trouve. Ça évite la vengeance. Est-ce qu'on enchaîne? Vous me permettez d'enchaîner? Bon, bah oui, voilà. Donc, en gros, là, c'est parti là-dessus. Et les rouges sont vraiment dégoûtés d'avoir des si mauvais tirages au sort qui sont les pires du monde parce que vraiment, Magali, elle est vraiment pas gentille. Oui, alors ça aussi. Mais heureusement, le brunch se termine. Le brunch se termine et André et Maxime reviennent sur le camp et ils se rendent compte que ça sent un petit peu la merde. Ça sent le roussi. Même s'ils ont bien mangé, ça sent un petit peu la merde. Et ils se disent, bah, c'est bizarre, on est parti et on parle que de nous. Donc il y a Maxime, alors ça j'ai bien aimé ça. Il y a Maxime qui prend Mélanie à partie. Et qui lui dit, bon écoute, Mélanie, on est parti, 2 heures, je sais bien que, voilà, vous avez déjà fait des stratégies pour nous virer et tout. J'étais là, mais qu'est-ce que tu fais? Complètement cinglé, hein. Non, pas du tout. Et puis à la fin, il lui dit, bon, tu vas m'éliminer. Oui, mais... Non, mais vraiment, les deux étaient ridicules, je trouve. Ah bah, ils sont fous l'un comme l'autre, quoi. Lui, de l'avoir attaqué comme ça d'un seul coup. Bon, d'un côté, je peux comprendre, parce que c'est terrible d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Ah bah oui. Surtout quand on en a pas, on est déjà fou. Oui. Putain, lui, ça l'arrange pas. Ouais, enfin, tu vois, tous les jaunes qu'en ont une depuis 6 mois, tu vois. Et André, je trouve justement que le comportement de Maxime, il était contrasté par le comportement d'André qui était en mode, ouais. Oh putain, c'est trop de la balle et tout, il kiffait, tu vois. Ouais, clairement. Et vraiment, cet enthousiasme, il fait plaisir à voir, toi, d'avoir un mec. Il lui a reproché d'ailleurs, après. Sérieux? Ah, il a dit, ouais, Non, André a reproché à Maxime son pessimisme attristant. Il était déjà en train de creuser le trou pour s'enterrer, c'était terrible, hein. C'était ridicule, mais bon. Rien ne m'étonne venant de Maxime, quoi, donc c'est pas très grave. Enfin, on en reste plus ou moins là, si je dis pas de bêtises. À ce moment-là, on sait pas trop qui va voter pour qui. Les jaunes disent quand même à André, t'inquiète, nous on veut pas t'éliminer. Oui. Oui, à ce bien moment-là. Sûr. Parce que, bah oui, mais on n'en était pas forcément sûr, tu vois, puisque... Ils étaient quand même partis. Oh, bah, tu sais. Les jaunes, bon, bref, tu mais parles. Du coup, c'est bien. Bah, les deux filles, c'est sûr qu'elles votent pas pour André. C'est sûr quand on le voit, tu vois. Mais regarde, on aurait pu dire, Mélanie, c'est sûr qu'elle vote pas pour André, par exemple. Bref, bah, elle a pas voté pour André. Dans la progression, il commence c'est à y avoir. C'est ça que je te dis, c'est qu'elle a pas voté pour André, elle a voté pour Maxime. Bon. Ce que je veux dire, c'est dans la progression, il commence à y avoir quand même des gens qui se disent, bon, bah, on va éliminer Maxime et André, c'est sûr. Et d'autres qui se disent, bah, ça commence à craindre. Parce que soit on élimine André et on est dans la merde, soit bon on s'élimine mutuellement donc ça n'existe pas, soit on élimine Romain et Marguerite mais ça va être une belle paire de manches. Bah tout ça parce qu'on tout part du principe que Romain va sortir son collier, c'est sûr quoi. Voilà. Sauf que en fait si tu ne lui mets pas la puce à l'oreille qu'il est sur la sellette, en fait il a aucun intérêt à sortir son collier. Mais on va en reparler après l'épreuve d'immunité parce que ces effets là sont multipliés par 10 000 quoi. C'est ça. Donc amis aventuriers, on a une épreuve d'immunité qui se joue, vous l'avez compris, une nouvelle fois en binôme, le même binôme. Et là, c'est une épreuve classique de Koh-Lanta, puisque on va jouer avec un mec du binôme sera voyant et va hurler les directions à celui qui sera aveugle avec un bandeau sur les yeux et il va devoir récupérer un masque. Alors, est-ce que vous pouvez me repréciser qu'est-ce que c'est que cette histoire des masques et des multi-masques et de 3 masques et de 15 masques? J'ai rien compris. Faut quelqu'un s'en occupe parce que moi j'ai rien compris. Okay. Je crois que le principe c'est qu'il devait en récupérer un sur 3 mais j'ai pas compris comment il savait lequel c'était. C'est très simple. En gros, donc on a quand même une première partie d'épreuve qui est c'est monstre simple. T'as une première partie de l'épreuve, donc t'as un guide et un mec qui suit, un aveugle. Donc la première partie, c'est un parcours du combattant où le guide aide l'aveugle à se démerder, tu vois, baisse la tête, nanani, nanana. Un moment, ils arrivent à un endroit, boum, le guide doit s'arrêter. À cet endroit-là, il y a un masque que l'aveugle peut donc prendre, tâter, et ensuite, il doit se diriger vers un plot en étant guidé par son guide à la voix. Et sur ce plot, il y a 3 masques, dont l'un qui est identique à celui qui se trouve en fait... qui se trouve à l'endroit où il peut le comparer, quoi. L'idée, c'est que tu palpes le masque, tu dis « Ok, je l'ai reconnu », ensuite tu trouves le poteau avec l'aide de ton guide, tu trouves le bon masque en le palpant, et tu reviens. Sauf que Maxime, il décide de faire différemment, parce qu'il trouve super rapidement le plot, il prend le premier masque qui vient, et il revient en courant comme une flèche. Avec brio, quand même, faut le dire. Ouais, non, franchement, c'est incroyable. Il va tout droit, il prend, il revient tout droit, il se trompe pas. Au premier passage, en tout cas. Ah, moi, je me suis dit, c'est pas possible, le bandeau est mal mis, tu vois. Mais après, il s'est planté à un moment, quand même, donc ça va. Ouais. Mais donc voilà, premier passage, boum, c'est pas ça. Pendant ce temps-là, les autres, elles sont en train de tâtonner pour trouver leur plot. Ouais, c'était tout le monde hilarant, hurle. Vraiment. On aurait dû une scène pas. De dessin animé, quoi. Ils partent dans le mauvais sens. Mais moi, ça me fait toujours rire, qui crie à gauche et l'autre qui entend pas, qui suit les ordres de l'autre dans l'autre sens. Franchement, c'était trop. Enfin, tu vois, c'est toujours marrant de voir un mec qui court tout droit et les autres qui partent vraiment en plein dans le mauvais sens. Moi, je trouve que c'est un ressort humoristique qui marche à tous les coups. Peut-être qu'il y a eu trop de fois. Bon, peut-être un peu en plus en Speed x 2. Ouais, alors voilà, forcément, ouais. La musique des Bénil en fond et. Voilà. Non, mais je sais pas, je pense que ça a été déjà fait beaucoup de fois. Et là, je crois qu'il n'y a pas eu genre un truc marrant. Des fois, des trucs marrants, il y a des mecs qui se prennent le poteau, il y a des mecs qui vraiment. Genre, ils se disent, ah, bah, pourquoi j'ai de l'eau jusqu'au cou? Ils entendent plus personne. Ouais, du coup, Max prend le premier, c'est pas ça. Il y retourne, il trouve le plot. Deuxième, c'est pas ça. Donc le mec, il avait une chance sur trois d'avoir le bon truc. Il a réussi à avoir les deux qui étaient pas le bon, quoi. Là, il doit y retourner une troisième fois. Et pour le coup, ce qui se passe, c'est que là, on est sûr qu'il aura le bon plot parce qu'il a été malin. Il va pas se planter et reprendre deux fois le même. Et pendant ce temps-là, alors tout le monde, là, c'est un peu le suspense, quoi. Est-ce qu'il va réussir à retrouver son plot alors que, sachant qu'à chaque fois, il l'a trouvé super vite, il le trouve. Sauf que les autres aussi. Et du coup, on a une course finale entre Maxime, Mélanie et Magali. Mélanie arrive en premier. Sauf que elle s'est plantée, elle a pas pris le bon masque alors qu'elle avait tâté pendant au moins 2 minutes pour savoir si c'était le bon. Et du coup c'est Magali qui arrive juste derrière alors que Maxime est en train de courir, donc on a cours. C'est vrai que c'était assez cool ça pour le coup. Ça c'était marrant. Magali arrive. Putain, on dirait un nom de Pokémon. Ouais, Magali grave. Magali arrive en premier et c'est bon. Enfin, elle arrive en deuxième du coup et c'est bon. Elle a le bon masque. Sandrine et Magali remportent l'épreuve. Jolie épreuve. Ouais. Encore une fois, à partir du moment où les candidats ils ont des stratégies différentes et qu'il faut les confronter, c'est plus intéressant quand ils font tous la même chose et que c'est juste qui est le meilleur, quoi. Oui. Non, mais j'ai bien aimé cette petite course de Maxime, le voir galoper dans la bouillasse. J'avoue que c'était agréable. Et puis quand on va passer les yeux, on peut pas le voir pleurer, donc ça fait du bien. Oui, surtout quand il s'est retrouvé à 50 mètres à gauche de tous les plots. Parce que pour se la péter, il courait en se retournant vers André en lui faisant des pouces en mode t'inquiète mon pote, on va y arriver. Alors. C'était déjà impressionnant de réussir à courir tout droit en ayant les yeux bandés, mais alors la tête à l'envers, là pour le coup faut pas exagérer, donc il commence à dériver. Mais ce qui était assez cool avec le rush surtout, c'est que nous on savait quand même que si Maxime et André ils avaient pas l'immunité, ça chauffait sévère pour leur cul, quoi. Donc là pour une fois c'était exactement l'effet inverse du dernier épisode, c'est on avait vraiment envie de savoir ce qui allait se passer parce qu'il y avait un vrai suspense qui pouvait changer l'issue du jeu. Et donc on se retrouve avec une victoire de Sandrine et Magali qui, dès revenus sur le camp, se transforme en le plus grand couple d'amis de la planète. C'est-à-dire que on a immédiatement des avis de Sandrine face caméra, face intervieweur. Et là, bon, j'ai envie de vous laisser en discuter quelques secondes quand même, parce que c'était assez délectable. Vas-y, Lucas. Et moi, j'ai bien rigolé. Bah, Sandrine, elle nous fait une genre de Nadine Morano en mode, bah oui, moi, j'ai une amie jaune. Hein, Et noire en même temps. Ce qui est quand même regardez, pas toujours facile. Elle m'a même fait des tresses. Au premier plan, improbable, genre la nouvelle amitié. J'ai trouvé ça trop drôle. Ça m'a fait rire. C'était rigolo. Quoi. Ah là. Ah ouais, j'ai explosé de rire vraiment, là, quand je l'ai vu. Oh, poker ça face. Tellement mal, c'est quoi, poker vraiment, face c'est et j'ai explosé. Vraiment, j'ai explosé. Je n'en pouvais plus. On dira un Predator, quoi, tu vois, avec sa carrure de Golgoth, là, c'est sûr que ça le faisait pas trop, quoi. Non, ça marchait pas du tout. Idiot, ouais. Mais sur ce retour d'épreuve d'immunité, ce qui frappe, c'est Maxime, quoi. Maxime, il est pas bien du tout, mais alors du tout! Maxime, il baisse les bras complètement. J'ai envie de vous dire, il se met à pleurer, mais bon, ça c'est implicite. Et surtout, voilà. il se chie dessus. D'ailleurs, ça m'étonnerait pas que ce soit littéralement, il se chie dessus. Après le bon brunch qu'il s'est fait la veille. Et vraiment, il en peut plus, quoi. Et lui, il est en mode, voilà, ça y est. Pour lui, il a perdu Koh-Lanta, c'est terminé. C'est son dernier jour, et demain, il se fait éliminer, c'est sûr, quoi. J'ai fait une promesse à mes grands-parents, gna gna gna. Oh là là là là là là, quelle honte. Moi, j'aime toutes les grands-mères. Ah, vraiment, il a pas d'honneur, quoi. Vraiment, il a pas d'amour propre. Pas d'honneur! C'était quoi ce qu'il avait écrit, Moundir? Aucun honneur! Heureusement que son binôme est là. Il y a André qui sort les doigts et qui va essayer de mobiliser un petit peu les troupes jaunes. Donc bon, ça fait André, Magali et Tiffany. C'est pas non plus énorme. Mais ce qui est important, c'est que Maxime, c'est le pivot de ce conseil, puisqu'il a deux votes. Il a le vote noir de Fabian, et c'est lui qui sera décisif. Et donc, ils se disent, on vote Marguerite, pour Tej, Marguerite et Romain. Et on dira à Sébastien juste avant le conseil qu'il nous suive, parce que en gros, lui, si on lui dit tout de suite, il va faire foirer le coup, c'est ouais, à Maxime, sûr. À Maxime, ouais. Par contre. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit à Sébastien. C'est pas pardon, c'est à Maxime. Grave. À Maxime, oui. Si on dit à Maxime ce qu'on veut faire, il va foirer notre coup, c'est mais sûr. C'est pas mentir, quoi, ils disent. Voilà, c'est ça. Il va se mettre à pleurer quand il va voir Romain ou Marguerite. Ça va pas le faire. Sauf que, Louis, qu'est-ce qui se passe le lendemain matin? Eh ben, Maxime arrive en disant « J'ai une super idée. » Bon, attends, c'est quoi déjà sa super idée? Assis-toi. Sa super idée, c'est qu'il va aller voir Marguerite. Ah mais oui, c'est ça. Et je vais retourner... Non, Mélanie. Marguerite, pardon. Ah mais oui, c'est ça. Et je vais la retourner et je vais la faire venir avec moi parce que je vais lui dire que c'est Mélanie et Sandrine qui veulent l'éliminer et qu'il faut qu'elle vote avec nous pour sauver son cul. Et surtout, il se dit, c'est ma pote... On est potes depuis le début, on s'est dit qu'on allait dans le carré final ensemble. J'étais là, mais what, mais d'où il sort ça le mec, quoi. Il s'invente des trucs. Bon, il y va, il se fait recevoir avec une volée de oh, bois putain, vert. Putain, mais Marguerite, disant, mais, elle est en rigole mode... Ou quoi, qu'est-ce qu'il lui dit? Attends, il lui dit... Ouais, bah, au début, il fait la méthode gentille, en mode on est copains. Et après, il sort l'étape 2 qui est, ouais, de toute façon, nous, les mecs, on a des gros pieds, alors, je sais pas quoi, il faut nous éliminer, et puis, vous allez mieux rester entre filles, nanana, je sais pas quoi, enfin, il fait des petits trucs, je comprends rien. Après, il dit, ouais, moi, de toute façon, il vaudrait mieux que tu mets sur les poteaux, parce que comme ça, bah, du coup, je vais perdre, et puis, en plus, tout le monde me déteste, alors, comme ça, si on est tous les deux gagnants, bah, ça sera toi qui gagneras, enfin, tu vois, oh là là. Oh, il va beaucoup trop loin pour Marguerite qui ne comprend déjà pas comment elle a réussi à aller jusque là dans Koh Lanta en foutant rien. Donc elle se dit surtout ne change rien Marguerite, ne fais rien. Bah, et surtout bon, coup, bah, à un moment il lui dit, oui voilà c'est ça, c'est qu'il lui dit, bon on vote pour elle, puis Marguerite fait bah non, non, c'est ça. Non, moi je vote pour qui je veux et ça sera pour toi probablement, tu vois, elle lui fait un peu comprendre que bah ouais ça pue pour ton cul en fait. Du coup lui il sait pas trop quoi faire, il se remet un peu là. Là, il repart un peu la queue entre les jambes, quoi. Mais il y a toujours une interrogation à ce moment-là, et c'est ce qui donne envie de jouer à André. André qui a été très bon joueur dans cet épisode. Ouais. C'est que il y a l'interrogation, Romain va-t-il jouer son collier? Et ça, c'est quand même, ça a été quand même un gros suspense. Parce que c'est vrai que là, à ce moment-là, Romain, il a pas vraiment de raison évidente de jouer son collier. C'est-à-dire que tous ses potes rouges vont voter pour Maxime ou André, ça se sent, hein. Tout le monde décide de voter pour ce binôme-là. Et surtout, il y a, ils essayent de renforcer la strat en disant on fait croire que Magali et Tiffany, elles vont voter pour le duo Maxime-André, et ça va assez loin dans la stratégie en disant ouais, non, on ne veut pas voter André, donc est-ce qu'on pourrait voter Maxime, s'il vous plaît? Oui, carrément. Sauf que les rouges répondent oh, pas de soucis. D'ailleurs, Mélanie non plus, elle avait pas trop envie de voter André, ça l'arrange bien. Allez, hop là. Oui, et puis oh, ça passe assez crème chez les rouges, d'ailleurs, hein, ce truc encore. Ils en ont rien à foutre, hein. Ils en ont rien à cirer de Maxime. Jusqu'à la dernière seconde, ça aurait pu passer. Mais il y a quand même cette énorme problématique que j'ai trouvé vraiment super cool. Et il y a André qui est là et qui va voir Maxime et qui lui dit « Écoute, mec. » Ton idée, c'est de la merde. Voilà, ton idée, c'est de la merde. Romain, son collier, il va pas le sortir. Il faut qu'on joue Romain, quoi. On met tout sur Romain. Et Maxime, évidemment, il se chie dessus. Il se dit ah, « Non, moi, je joue pas à ça. Je vais convaincre Marguerite, c'est sûr, je vais y arriver. » Sans se rendre compte qu'en fait, y a ouais, c'est ça. Vu que à partir du moment où Marguerite, elle est impossible à convaincre, ben en fait, il y a plus rien d'autre à faire. C'est-à-dire que c'est leur seul salut. Et donc là, il faut jouer les mecs qui ont compris qu'ils allaient se barrer et qui essayent surtout pas de voter pour Romain, pour surtout pas lui mettre la puce à l'oreille qu'il utilise son truc. Donc dans un baroud d'honneur, André va faire voter Magali, Tiffany, Maxime deux fois et lui-même pour Romain. Donc on est à 1, 2, 3, 4... 5 votes contre Romain, contre 4 votes pour Maxime. Sauf que... Aïe. Sauf que il va se passer quelque chose. Mais on va peut-être faire un petit aparté d'abord. Oh le mec. On va maintenir ce suspense à l'américaine. Là, je fais un coupure pub. Filler. Coupure pub, mec. Je parlais rapidement des portraits. de Maxime et de Romain. C'est Lucas qui avait envie de nous parler de ses portraits aujourd'hui. Ce que j'ai trouvé, je me suis dit, ils ont quand même rivalisé dans le... Comment dire, je sais pas comment on dit un nom pour dire que c'est pathétique, mais voilà, dans le pathétique, ils ont rivalisé. Donc c'est-à-dire que Maxime, quand même, le mec, on pensait que bon, ouais, peut-être que c'est à cause de Koh-Lanta qui pleure tout le temps, tu vois, c'est quand même difficile, t'as pas à manger, nanana. Et pendant son portrait, donc, il nous explique, voilà, salut, je m'appelle Maxime, j'ai 5 restaurants, tu sais, ça commence bien, tu vois, il part, il nous explique qu'il aime bien la cuisine, nanani, nanana. Et là, tout à coup, voilà, oh, bah voilà ma femme, on va avoir un enfant, elle est enceinte depuis 8 mois. Des fois, j'ai l'impression qu'elle est tellement mature, hein, des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui ai 25 ans et elle qui en a 38. Et là, il se met à pleurer. Un moment de gêne, mais monumental, quoi, mec, t'es... Avec sa femme à côté, il me semble, non? Non, c'est en off, tu vois, mais il y a forcément fait en vrai, tu vois, enfin, s'il arrive à le faire à un caméraman qu'il a jamais vu dans sa vie, il le fait forcément à sa femme, tu vois. C'est pas ça qu'il lui dit, il lui dit pas « je vais ramener les 100 000 euros en pleurant ». Non, il pleure pas à ce moment-là. Non, il pleure pas à ce moment-là. À ce moment-là, il tient un peu la route, mais... Elle fait « ouais ». Ouais, super, elle dit « je ramène les 100 000 euros et on fait chauffer la carte bleue », donc ce qui nous a amené à une théorie sur laquelle il y a eu un vote, 3 participants, donc les 3 candidats de Koh-Lanta, et moi j'ai posé la question, est-ce que la femme de Maxime est une michetonneuse? Non mais vous pouvez pas dire ça. Mais mec, elle a 25 ans. C'est sûr de chez sûr. Lui il en a 38, bon il est pas si moche, mais c'est pas non plus un Apollon, tu vois, enfin il est rouquin quoi. Non mais vous pouvez pas dire ça. Je vais te faire courir moi. Ça c'est pas possible. Non mais on trouve qu'il y a quelque chose de bizarre. Elle est chelou, elle est bizarre avec mec, lui quoi. Mec, il pleure. Normalement, mec, un mec de 38 ans. Bizarre avec lui. Non, un mec de 38 arrêtez. Ans. Moi je me dédouane complètement de ce que vous êtes en train de dire. Bon, franchement. Je me désolidarise. Mais t'as voté oui en plus, espèce de menteur. C'est vrai en plus. Si elle avait pu avoir un enfant toute seule et avoir 100 000 euros toute seule, je suis pas sûr qu'elle serait embarrassée d'un cinglé comme ça dans sa vie. Et je la comprends. Mais arrête un petit peu, mais comment vous pouvez pas dire mais ça quand même? Si, moi je l'ai dit, moi. Mais vous rendez Franck, compte de ce que vous dites? Franck, imagine. Mon gars. T'es là, t'as une meuf, et tout d'un coup, elle est là, et tu te dis, Franck, vraiment, ma vie, elle se met à pleurer comme ça pour rien, mais tu te dis, c'est flippant, mec. Sauf que, elle peut te ramener 100 000 euros dans un mois, tu vois, et t'as que un mois à tenir. Elle a pas d'ambition, cette michto. Moi, oh, mais arrêtez! Mais c'est scandaleux! Non, mais vous rendez compte? Non, mais ce qui est rigolo, c'est le décalage. Ce qui est très marrant, c'est le décalage. Marrant, c'est la réaction de Franck. Oui, déjà, ça faut le dire. Non, et surtout, on a l'impression que qu'ils se connaissent presque même pas dans les trucs, tellement ils vivent dans deux mondes parallèles et ils voient la situation de manière totalement différente, quoi. Elle est en mode, ouais, bah, promis, t'inquiète pas, bon, je vais essayer de le garder autant longtemps que je peux, le gamin, et puis ça sera cool quand on aura 100 000 euros. Et lui, il en a à se rouler par terre, à pleurer dans tous les sens. Donc ça, c'est ça qui est rigolo. Ouais, c'est un beau petit chien, par contre. Il est tout mignon. Ah ouais, j'ai pas vu. Ouais, il va chercher la balle dans un petit champ. Ça, c'est le plan typique de tous les couples dans Koh-Lanta, c'est ils marchent sur un chemin dans les champs. Ah oui, en campagne. Alors qu'ils habitent dans la ville, tu vois. Mais ouais. C'est pas grave. Donc ensuite, on a le portrait de Romain, hein, j'enchaîne. Le portrait de Romain qui a marqué par son insignifiance, tout comme sa personne. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est réglé en 3 minutes. Tout ce qu'on peut retenir, c'est moi, j'ai été pompier, je fais du kayak. Et puis, bah, vu que ma vie n'avait pas de sens, bah, j'ai fait des enfants à partir de 25 ans. 32 ans, 3 enfants. Hop, chut, allez, hop. C'est-à-dire, vraiment, je me suis dit, mais ce mec, il n'est pas méchant en soi, mais il n'est pas attachant. Non, je pense que c'est un bon gars en plus. Hein. Non, je pense que c'est un bon gars, mais il est juste chiant. En tout cas, je ne sais pas si c'est la manière dont ils l'ont montré dans l'émission. Je sais pas. C'est la personne qu'il est réellement, mais il est insignifiant. Je le trouve. Mais en même temps, dans l'émission, je me suis jamais dit, waouh, il a pas de passion méga rigolote, je sais pas, je trouve. Non, il est pas marrant. Bah, les seules fois, il a essayé de faire un peu de l'humour, c'est quand il disait à André, t'as voté contre moi, je vais t'éliminer, ou je sais plus quoi, tu vois. Mais c'était clair, c'était trop malaisant. C'était vraiment en mode, ouais, t'es vraiment un con, toi. Il était, t'as essayé de te sauver, espèce d'enfoiré, salaud. Mais du coup, moi, je trouve qu'il a un très bon potentiel à devenir serial killer, tu vois. Et du coup, c'est bien qu'il soit mis en avant. Romain, c'est ça. De Ligonnès. Il est trop normal, en fait, Romain. Il est forcément, tu vois, il y a quelque chose derrière. Et j'ai hâte de le découvrir. Alors, est-ce que vous aussi, il a été pompier de Paris, donc je sais pas si vous connaissez quand même les bizutages des pompiers de Paris, mais ouais. Ça glisse quoi. Moi, c'est la question que je me suis posée, surtout qu'il était tout beau quand il était jeune, hein, à ses 18 ans là, pas mal. Ça glisse dans les bus en plus. Ah, ouais, c'est dans le camion en direction d'une opération. Pimpon, pimpon. Tirli pimpon sur le chivo. Ouais. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on ferait pas un petit jingle avant de reprendre vers le conseil, tu vois, histoire de vraiment être des gros salauds, quoi. Qu'est-ce que tu veux comme jingle? Bah, moi, je connais que le premier. Je pense que c'est notre meilleur, il faut qu'on le parfait. C'est reparti. Hey, oh. Retour sur le conseil avec Romain qui sort son collier. Oh non, t'aurais pu faire la phrase avant quand même. On aurait pu faire genre... J'ai bien fait. Hein. Un élément susceptible de changer l'issue du vote. C'est oui. Pas d'influer sur l'issue du vote. Ah non, c'est peut-être changé. 15 secondes de tambour. Avec putain, des zooms de ça a duré, ouais, ça a duré tellement longtemps. Et alors, il lève pas sa main. Il lève pas sa main. Eh ben ouais, et regarde, il lève pas sa main. On le filmait bien en train ouais. d'avoir un visage qui disait bah, je, non, évidemment que non. Je suis hautain, je ne vais pas jouer. Arrêtez de me filmer, ça va, on a compris, hein, je vais pas le faire. Et là, du coup, hop, on a vu une petite main qui remontait tout doucement. Moi, Denis. Oh putain, oh. J'étais dégoûté. Mais il a bien joué. Objectivement, il a bien joué. Ah bah, bien sûr, c'est bien joué. Bah, il est balls. On a oublié de raconter. Oh là là, on a oublié, mais entre les deux trucs, il y a l'escalade de tout le monde sur le camp aussi. Parce que lui, du coup, Romain, il se pose la question. Il se dit, oh là là, peut-être qu'il faudrait pas que je le fasse. En même temps, je suis toujours joueur et ma femme, elle adore que je suis joueur et nanana. Donc, si je suis joueur, je le sors pas. Mais en même temps, ah, ça me ferait chier de l'utiliser pour rien parce que j'adore être joueur. Ah, et tu vois, on a eu trop de suspense. On a oublié de dire que pendant ce temps-là, Mélanie cassait des arbres en hurlant comme une folle. Eh, le tirage au sort! Et les jaunes! Ah, les jaunes! En oubliant, comme une idiote, que s'il n'y avait plus de jaune, il serait obligé de s'éliminer entre rouges, ce qui veut dire que ça serait encore moins bien. En fait, elle n'a pas compris que c'est le but du jeu, c'est pas d'éliminer les jaunes pour après être en vacances. Bref. On peut retourner sur le conseil. Désolé, fallait le dire, je la déteste. Ah, tu fais bien parce que j'ai vraiment bien ri. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez rajouter à ça? Moi, bah, je suis rien. Triste. Je suis triste après, à ce moment-là. Surtout, après, ce qui est marrant, c'est que quand même, ils nous font une séquence élimination, enfin, tu vois, tirage au sort, enfin, tirage des papiers, etc., avec un espèce de suspense inexistant, mais qu'ils essayent de mettre en place. C'est-à-dire, ils sortent vraiment les papiers un par un, là, et on est en mode, mais bon, Maxime, oui, effectivement, Maxime, oui, c'est sûr, Maxime, voilà. Et vraiment, pour une fois, en plus, ils ont pas de chance et ça va super vite. C'est-à-dire, vraiment, il y a que des Maximes dès le début et je crois qu'il dit, on va finir, et là, il y a des Romains. Je me souviens plus, mais bon, voilà, catastrophe. Bien joué. Bah ouais, non, mais bien joué. Bien joué à tout le monde. Honnêtement, bien joué à tout le monde. Parce que, il fallait le faire, pour les mecs, quoi. Pour André. Pour le coup, André, ouais, bah lui, oui, il ouais. avait pas le choix. Parce qu'il pouvait pas éliminer Magali et Tiffany. Parce que s'il les éliminait, dans tous les cas, il se serait foutu dans la merde, potentiellement pour la suite. Mm-hmm. Donc, en soi, pour lui, c'était son seul choix, possible. S'il voulait pas trop se foutre dans la merde, beaucoup de poker, beau retournement de Romain, qui a bien joué son collier d'immunité. Ouais, quand même, en vrai. Ah bah oui, non, mais c'est bien joué, faut le reconnaître. Là, on a affaire à un enchaînement de colliers et de bons niquages. Ouais, ça. Belles évolutions, sur même plusieurs de mentalité, épisodes. Etc., quoi. Ouais, qui a été assez stylé. Et là, franchement, c'était, bah respect quoi, parce que bien joué. Donc c'est Maxime qui se fait éliminer, hein, évidemment, et qui entraîne dans sa chute André, malheureusement. Étonnamment, parce qu'on pourrait penser que c'est l'inverse. Salaud, quelle bande d'enfoirés qu'on est quand même, c'est pas possible. Ah ouais, désolé, parce que franchement, je trouve que cette saison, on s'était vraiment retenu de bâcher tous les mecs. Peut-être en se disant qu'on pourrait en avoir en interview, quelque chose comme ça. Mais là, maintenant, bah, c'est foutu, trop tard. Ah bah non, voilà, bah forcément, à force de parler des femmes des autres et de dire que c'est des michetons, comment tu veux qu'on se démerde pour avoir des invités après? De toute façon, c'est sûr qu'on n'allait pas avoir Maxime, vraiment. Bah non, bah bon, moi je serais un autre candidat, j'entends ça, évidemment, je viens pas vous voir, mon enculé. Mais de toute façon, mec, ils vont jamais écouter l'émission, s'ils viennent, ils viennent. Ouais, si, quand même, je sais pas. On verra. Bien sûr, notre audience grandit tous les jours. On a qu'à faire un épisode safe et on l'épingle sur SoundCloud. Ah ouais, tu vois, un top. Ça sera un peu notre truc de portfolio, quoi. Ce sera la vitrine. Il faudra une petite séquence présentation du podcast. Alors moi, j'ai une question. Vas-y. Je comprends pas le choix de la prod d'avoir mis le truc en duo maintenant, en fait. Parce qu'en soi, c'était ultra risqué. C'est-à-dire que déjà, s'il y avait un tirage qui faisait qu'il y avait deux jaunes qui étaient ensemble, c'était les foutres suicides, quoi, en gros. Et au final, ça reposait que sur le hasard et ça a niqué ce truc, tu vois. Enfin... Ça veut dire qu'il y avait potentiellement Romain qui allait protéger quelqu'un d'autre. Enfin, en gros, s'il n'y avait pas eu cette connerie de duo, il y aurait pu avoir un 4 contre 3. S'ils avaient réussi à convaincre Maxime de ne pas voter contre André ou Tiffany ou Magali, et ils auraient pu éliminer, je sais pas, Sandrine ou Mélanie ou quelqu'un d'autre. Tu vois. Ouais, ou Marguerite. Ouais, voilà, tu vois. Au hasard. Je me demande s'ils ont pas foutu, ouais, mais... s'ils ont pas foutu les jaunes dans la merde. Alors que je pense que l'idée, c'était de les aider. Mais est-ce que, justement, là, ils se sont pas dit... c'est le seul moment où on est à un équilibre, en fait. Il y a moyen. C'est possible, ouais. Oui, c'est vrai, oui. Là, il fallait un nombre pair. Ouais. Parce que justement, en fait, si tu le fais à l'étape d'après, ben, ça va plus. Voilà, il y a forcément un déséquilibre. Parce que là, ils étaient quand même déjà relativement peu, en fait. Enfin, tu vois, il y a que 4 binômes, il y avait pas, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'est, effectivement, c'était le seul moment pour le faire. Et quand même, rappelons que, même si le tirage au sort était le plus problématique pour ouais, ça a été bien. Tout le monde, c'était le meilleur possible. C'est-à-dire que oui, s'il y en avait eu n'importe quel autre, vraiment, il y aurait eu un problème et l'épisode aurait servi à rien. Mmh, je suis d'accord. Et même pour nous, ça a été du coup extrêmement intéressant. Oui. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé globalement. Ça a rebalancé la dynamique des conseils. Moi, j'ai une contre-question. Ouais, vas-y, dis-moi. Ah, contre-question, puisque tu disais, est-ce que la production a eu raison de faire ces éliminations doubles ? Est-ce que la production a eu raison de décider qu'un collier d'immunité sauvait deux personnes ? Ça, c'était le cas avant, donc je pense qu'ils peuvent pas le changer, en fait. Ça s'est déjà révélé comme ça. Ah, moi, je trouve que ça aurait été quand même intéressant. Moi, j'aurais trouvé que ça aurait été intéressant de dire, Marguerite peut se faire têche. Si Romain n'utilise pas son collier, il part avec elle. Si Romain utilise son collier, lui, il part pas, mais Marguerite part quand même. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Ouais, mais en même temps, après, ça fout la merde dans le compte des éliminations pour le nombre d'émissions et le nombre de jours restants. Je me doute. Mais ça permet aussi, en même temps, de... Ça aurait permis, parce que là, je comprends, il y a personne qui a trouvé de collier sur le camp, par exemple. Et jamais, ni André, ni Maxime se sont dit, bon, bah, on va passer une journée à chercher les colliers parce qu'on est objectivement dans la merde. J'ai pas compris. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé avec ces colliers. Bah, André, il prend le temps de jouer, tu vois. André, il prend le temps de parler avec les mecs, les machins. Après, peut-être qu'on le montre pas parce que, c'est chiant, tu vois, de voir les mecs. Ouais, mais, je sais pas, bah, ouais. Ouais, mais ils auraient au moins pu le mentionner, tu vois, tout le moment où ils disent « Oh, regardez, ils se couchent sur le sol en disant « Ah, bah, c'est notre dernière sieste entre amis. » Tu vois, je comprends pas que dans le roleplay des mecs qui sont sûrs qu'ils vont se faire éliminer, ils fassent pas semblant de chercher des colliers, quoi. C'est peut-être ce qui a mis la puce à l'oreille de Romain. Je sais pas, j'ai pas compris. Aucune idée. Non, mais attends, je sais, en fait. Attends, je viens de trouver. C'est parce que Tiffany, elle a pas dit qu'elle l'a eu sur le Paradis Perdu, son collier. Elle a dit qu'elle l'avait trouvé sur l'île. Donc peut-être qu'il pense qu'il y a plus de collier sur l'île. Ah ouais, ça se trouve, ouais. Ouais, mais André, il sait qu'elle l'a eu sur le Paradis Perdu. Ouais, mais s'il prouve ça, ça aurait été cramé. Bête, tu vois. Donc, voilà, ouais, mais après, ils ont dit on a mis des colliers. Moi, je me souviens qu'il y en avait plusieurs. Bref, ouais, c'est pas grave. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot pour donner votre avis sur cet épisode ? Un seul mot. Un seul mot, Louis. Oh, je sais pas quoi dire. Moi, je pense que je vais dire... Bien. Bien. Voilà, ça, c'est un mot. Non, en vrai, André. En fait, ce serait ça, mon mot. André. Moi, ça serait... Jean ! What? c'est l'autre dingue là qui hurle contre qui les jaunes en tapant sur son arbre, je sais pas quoi là. Non, j'en sais rien, je me suis demandé si c'était le meilleur épisode depuis le début et puis j'en suis pas sûr donc j'ai pas de mot qui peut dire c'était un bien mais pas un meilleur. Passable, ça fait pas terrible. Non, c'était un bon épisode dans la suite des trois super épisodes qu'on a eu parce que en vrai, c'est bouger le cul pour faire de la stratégie. Ouais, ouais, carrément, je vais dire monstre alors. C'est un monstre épisode. Voilà, eh bien, on va rebondir là-dessus justement quand tu dis que c'est grâce à André ça a été un bon épisode pour répondre à une question de l'équipe d'Esprit des Fêtes, hein, notre podcast si je me rappelle bien. Oui, j'ai commencé à écouter un épisode sur Florian Philippot. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça parle de couscous ? Oui. Je crois qu'il aime pas trop comme nous, ça va. Mais en même temps, ils ont un peu pitié de lui parce que personne ne devrait être puni pour manger du couscous quand même. Ça, c'est vrai. Non, du coup, c'est un podcast politique et ils ont aussi un mec qui est tout le temps absent. Ils ont l'équivalent de Louis, tu vois, plus ou moins. D'accord. Alors, j'accepte. Ils nous ont posé deux questions. Complètement abusé quand même. Enfin, ils nous ont posé deux questions. La première. André est-il le meilleur candidat de la saison ? Moi, je propose que Franck, tu commences, parce que c'est toujours nous qui commençons. Donc là, c'est toi qui réponds en premier. Ah non. Alors, attendez. Non, dis les deux questions et chacun donnera son avis pour les deux questions. Ça vous va ? Non, on fait d'abord cette question. Ah, on fait dans l'ordre, d'accord. Allez, okay. On fait d'abord cette question. C'est-à-dire que la deuxième, c'est sinon, qui est-ce ? Non, c'est pas ça. C'est une autre question intéressante aussi. Donc, vas-y, Lucas, alors. Non, allez, j'y vais. J'y vais, ouais. Tant pis, attends. Lucas me donne la parole. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Qu'est-ce que t'as? Mais dommage, je t'expose, toi. Mais tu vas voir, mais c'est ça. Ça va mal se passer, hein. Bon, André, moi, candidat meilleur candidat de la saison. Putain, je vais te défoncer. Non. Voilà. Ok. Alors, moi, non, moi, je pense que pour moi, le meilleur candidat de la saison, je pense que c'est Fabien. Je pense que c'est Fabian dans le sens où bah, le mec est arrivé avec un putain de charisme, une putain d'histoire. Il nous a raconté des trucs complètement ouf sur son passé. Et je pense que c'est lui qui a fait les trucs les plus intéressants en termes de strat sur la trahison avec les rouges et tout. Voilà, Lucas. C'est compliqué. Enfin, effectivement, t'as un point par rapport à Fabian. Je pense que Fabian, il a sans le bordel qu'a foutu Fabian, tout ce qu'a fait André n'aurait pas été possible. Maintenant, André, il a quand même eu, je pense, des trucs qui en termes de stratégie étaient ultra ballsy, genre le fait de le coup de poker qu'il a tapé aujourd'hui. Voilà, il y a que lui en fait qui avait les couilles, je pense, de le faire et qui a eu la réflexion. En tout cas, il a vraiment bien réfléchi. Là où Fabian, à mon avis, à plusieurs reprises s'est trompé dans son jugement, par exemple par rapport aux ambassadeurs. Maintenant, je pense qu'effectivement, moi j'en avais parlé, je pense que les jeunes ils ont fait une connerie en éliminant Fabian et que ça aurait pu être intéressant de le voir continuer. Je pense que les deux se valent, ils sont différents. Enfin, Fabian a eu le problème d'être un peu chiant vers la fin, alors qu'André avait une bonhomie qui était vraiment cool. Maintenant, moi je pense que le fait qu'il soit pas sur la fin, ça va faire que, à la fin, on va retenir soit Mangali, soit Tiffany, mais on retiendra pas forcément André. Et transition tout trouvé parce que. Ouais. Moi, candidat préféré André, non. Parce que moi, je pense que c'est, enfin, le meilleur. Moi, je pense que c'est Tiffany. Parce que j'ai trouvé que vraiment, elle avait une courbe de progression narrative archi intéressante. Alors que, en vrai, André, il a été cool les trois derniers épisodes. Mais souvenez-vous comme il a été naze au début. Le premier épisode, on a dit, oh, c'est grave cool, il sait dire 1-2 pour les faire pagayer. Et puis ensuite, il s'est retrouvé à être fatigué, à aller chercher des branches le premier jour et à rien foutre. Et après, pff, il a disparu. Il a fait le collabo chez les Rouges. Donc, c'est un bon garçon, mais je pense que, franchement, c'est pas mon préféré. Non, on te demande pas ton préféré, on te demande si c'est le meilleur. C'est le meilleur. Non, je suis d'accord, je suis assez d'accord avec Tiffany. Le coup de, on se souviendra tous du coup de, je mets ma tête dans le sable pour que tu puisses prendre appui dessus. Ouais, mais il faut qu'on soit cohérent par contre. Le coup de, on ment sur l'île et tout. Bah, moi, je trouve que ça, c'est, ça démontre d'être meilleur au jeu que André. Ouais, en termes de, d'appréciation, genre, personnelle, c'est peut-être pas le meilleur, mais je pense qu'en termes de ce que nous, on demande par rapport à Koh-Lanta, il nous faut des candidats comme André. Et il nous faut des candidats comme Fabian. Là où Tiffany a plus été suiveuse au niveau de la stratégie, tu vois. Bah, franchement. Suivi André. Le collier, Hermond est en mode, ouais, mais on peut pas se reposer sur Maxime. Non, André, il a lidé les stratégies et Magali et Tiffany, elles ont suivi André sur tous les trucs. Ah oui, bien sûr. Occupés. Bien sûr. Donc moi, effectivement, c'est pas mon candidat préféré. Maintenant, par rapport au, si on prend André dans le prisme de ce que, c'est quoi, de ce que nous on veut, ce que Koh-Lanta veut par rapport à Koh-Lanta, c'est-à-dire des mecs stratèges et compagnie, bah André, il a tout défoncé, quoi. Bah, à la fin, oui, mais vraiment au début, pas du tout. Et rappelons quand même que, en épreuve, il était vraiment merguez. Le seul truc qu'il a réussi, c'est le truc où il fallait flotter. On se demande pourquoi. Morto. Et alors, deuxième question de l'équipe Esprit des Fêtes. Marguerite. Arnaque de la saison ou génie diabolique qui va aller en finale en foutant rien. Je vous l'avais dit. Très bien formulé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais un jour je l'ai dit. J'ai dit que moi, je pense que Marguerite, elle peut gagner Koh-Lanta. Et moi, si on faisait des paris, est-ce qu'on ferait pas des paris d'ailleurs bientôt? Ah merde, ça me fait penser que j'ai oublié de gratter un ticket de loto, putain. Ah ouais, le kédo, merde. Merde. Un kédo, on l'avait dit. Alors moi, je propose prochaine fois, on commence des paris sur qui va gagner Koh-Lanta. Ok. Ça marche. Ouais, parce que là, on est quand même à encore. Vas-y, il reste encore trois épisodes derrière. Moi, je pense que c'est pas du tout. C'est quoi? C'est esprit démoniaque, nanana. Alors, moi, génie je pense que c'est génie démoniaque. Donc, moi, je suis sûr que c'est pas un génie diabolique. Je pense que elle. Enfin, tu vois, elle. C'est pas comme si elle tirait les ficelles de l'extérieur, quoi. Elle suit. Mais belle performance de. Enfin, tu vois, elle a bien choisi son camp. Elle arrive bien à montrer qu'elle est vraiment pas dangereuse pour pas se faire éliminer. Enfin, c'est-à-dire que là, vraiment, tout le monde s'en fout. On dirait qu'elle n'existe pas. Personne ne lui parle vraiment. Mais ça passe. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment dire arnaque? Ouais, un peu arnaque. Parce qu'en vrai, je trouve pas qu'elle fait grand-chose qui mérite de rester aussi longtemps dans l'aventure. Ouais, mais au final, elle rentre dans un archétype de personnage de Koh-Lanta qu'on avait Qu'on connaît, qu'on avait identifié lors de notre pilote au début de cette année, si vous vous en souvenez, si vous étiez déjà là au rendez-vous incroyable qu'est Koh-Lanta, on avait parlé de la vieille qui ne sert à rien mais qui peut aller loin. Et bien là, voilà. la voilà mais ouais. C'est moi, je suis pas totalement d'accord que, ouais. Enfin, oui, elle sert pas à grand chose, mais tu vois, en fait, c'est pas celle que je déteste le plus, tu vois. Et moi, c'est pas du tout à ça que ça répond. Moi, c'est les deux. T'enlèves les deux jaunes. Moi, c'est s'il y a plus les deux jaunes, c'est celle que je vais voir gagner parce que je trouverais ça magnifique justement. Elle a gagné Koh-Lanta en disant bah au final qu'est-ce qu'elle a fait? Au début, elle en avait rien à foutre. En vrai, elle était en mode moi si je veux aller pêcher des bigorneaux en chantant du Michel Sardou, j'y vais et je vous emmerde. Et à un moment, elle a quand même compris que ça puait du cul pour elle, donc elle s'est dit ah c'est vrai que bon je peux peut-être leur parler aux autres là. Mais en même temps, moi, je dis on veut pas de pas avoir voulu socialiser avec Romain et compagnie parce qu'ils sont chiants, tu vois. Et puis t'avais l'autre con de Sébastien qui dès qu'elle faisait un truc, il disait c'est mon camp, donc tu me laisses faire ma cuisine. Parce que c'est moi qui fais les entrecôtes. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Simplement, c'est ni être un génie diabolique, enfin, tu vois, ni non, être. Non, c'est pas un génie diabolique. Moi, je trouve que ça rentre un peu dans la catégorie arnaque, mais arnaque bien jouée, tu vois. Et moi, je serais pas surpris qu'elle ait compris ça. Là, elle s'est un peu ralliée au bon moment au pacte des rouges. Et elle en profite, et moi par contre je serais pas surpris qu'elle se dise bah, je suis safe avec ça, je me donne sur les conforts, et que ça se trouve en fait on l'a pas encore vu trop déchirer sur une épreuve d'équilibre, et moi ça m'étonnerait pas que tu la fous sur les poteaux, ça se trouve elle gagne, tu vois, parce qu'en face t'as Mélanie qui est pas forcément à droite, et Sandrine qui s'est déjà pété les genoux il y a 5 épreuves, donc du coup c'est gagné, tu vois, et en vrai ça m'étonnerait pas qu'elle aille en finale, et elle peut gagner. Ça, c'est, si on juge là-dessus, je suis d'accord. Si moi, je trouve ça cool, c'est qu'elle est restée. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est restée elle-même. Moi, je kiffe le côté. Le fait que la meuf, elle soit venue. Tu vois, elle a fait un peu une Yacine, mais elle s'est repris à temps. Et au final, elle reste quand même son côté. Elle est chelou, tu vois. Mais en même temps, elle s'en fout. Elle essaye pas d'être normale, tu vois. Et moi, ça me fait rire, en fait. Tu vois, quand elle mange le dentifrice, quand elle arrive à la dégustation et qu'elle fait, oh, moi, j'ai faim, Denis, tu vois. Elle est bizarre, tu vois. Mais elle est bizarre d'une manière trop drôle, quoi. Ouais. Elle me fait rire, en fait. Elle me fait trop rire. Donc, au final, ça pourrait devenir ton personnage préféré. Bah non, parce qu'il y a Tiffany et Magali, mais en dehors de ça, des quatre rouges qui me restent, Sandrine, bon, voilà, ouais, tu vois, elle bon, sert à voilà, rien, ouais. Romain, il sert à rien, Mélanie, je l'aimais bien, mais à cet épisode-là, elle s'est vraiment révélée... Détestable. Ouais, détestable, il n'y a pas d'autre mot, enfin vraiment, une capricieuse, c'est... elle reproche aux gens de faire des victimes, mais alors... D'exister, je sais pas, non mais j'ai trouvé victimes, ça scandaleux, là, c'était abusé, vraiment, ça donnait vraiment envie qu'il y ait quelqu'un qui lui dise, écoute, je te fous un coup de machette dans la nuque. Il y a un truc dont on n'a pas parlé. C'est violent ça quand même. Donc, ouais, et pourtant, vous avez senti que j'ai jaugé. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est quand même le fait que quand André découvre que Mélanie va voter pour lui sans aucun souci, il est un peu déçu. Ouais. Et il y a Magali qui lui dit ouais, non, mais tu t'es fait avoir parce que en gros, elle met pas les bretelles de son soutif, quoi. Et parce que je sais pas si vous avez, mais c'était tout le discours de Magali par rapport au fait qu'elle use de ses charmes, il était mis en relation avec ça, qu'elle fait un peu la belle, elle secoue ses cheveux, elle enlève les bretelles pour pas qu'il y ait les marques des bretelles quand elle bronze, etc. Et j'en ai parlé avec une amie en commun qui m'a dit qu'elle trouvait ça, que ça l'avait énervé, tu vois. Et alors du coup, je sais pas, moi je l'ai pas senti du tout, pas du tout. Bah, parce que moi je me suis dit qu'on s'est peut-être tous fait avoir au final, tu vois. Bah ouais, mais non, parce que... Non mais je veux dire, moi je me disais pas oh elle est sympa, elle est jolie, tu vois. Dire, non mais moi j'y ai cru. Elle faisait même pas vraiment partie du truc. Ouais, mais est-ce que c'était vraiment ça? Il y a eu des candidates de Koh-Lanta sur lesquelles on était tous plus ou moins d'accord et on avait des conversations sur leur plastique. Mais je me souviens pas qu'on ait parlé de Mélanie en disant. Menteur. Oh là là. Lucas et moi aussi, hein. Lucas ah, et moi bon, aussi. D'accord. Hein. Alors moi non. Oui, bon bah moi du coup moi vraiment pas, tu vois. Alors que pour le coup par exemple, enfin ouais. Moi je suis pas sûr que ça soit ça. Bah peut-être que c'est pour ça que j'ai vu Claire dans son jeu avant vous en fait. Ah, mais toi depuis à part la chèvre, à part la chèvre de Mohamed dans la saison 12, t'as eu une passion pour personne. Ah oh bah il y a eu bon. Non mais c'est parce que je me souviens plus comment elle s'appelait. Bah si Mathilde l'année dernière par exemple. En même temps. Il y a un moment, c'est pas de notre faute, c'est la société de consommation qui nous met ces infos là dans la tête. Mais ça tombe bien, tu parles de Mathilde. Donc j'en profite, je parle de Mathilde pour aborder le sujet suivant qui m'énerve puisque on vous l'a répété maintes et maintes fois, nous suivons pas mal de candidats sur le réseau social Instagram. C'est un réseau social au final, ouais, non? Ah oui, si, peu, si. Quand même. C'est uniquement ça. Uniquement ça, même. Et il se trouve que, alors moi j'en ai vu trois principalement. Yesta, Mathilde et Bastien. Les autres, j'ai pas trop vu. mais sont alors je sais ce que Lucas va dire, c'est pour ça que je cherche bien mes mots parce que je sais très bien ce qu'il va dire derrière, mais tant pis, je plonge, se sont laissés amadouer par des pubs et placements de produits et n'arrêtent pas constamment, quasiment tous les jours, de nous placer une petite pub d'eux avec une photo d'eux avec une petite boîte de je ne sais quoi, de Flat produits de pour regardez, j'ai le ventre plat avec non, alors bébé c'est pour brillant, maigrir ça. C'est pour maigrir ou c'est pour avoir les dents blanches? Il y a je les crois deux. Qu'il y a un truc comme ah, ça. Il y a Bébrillance qui fait les dents blanches. Alors, il y a les dents blanches, le ventre plat et les bonbons. Ouais. Alors, c'est des trucs qui va pas ah, du oui, tout c'est avec vrai, les bonbons tout pourris, ouais. Il y a 15 millions de bonbons. Alors, ça se recoupe de ouf avec les stars de télé-réalité récentes, hein. C'est-à-dire tous les Marseillais, tous les Chi, alors, d'accord, tous les Anges. Je comprends, tout le monde là fait pareil. Je comprends et c'est les l'appel mêmes. De l'argent, tu vois, mais ça me saoule. Je me suis désabonné puisque ça me gave. Alors, un vrai problème surtout c'est qu'ils ne savent pas le faire parce que la reine en la matière, enfin, en tout cas c'est moi la première que j'ai vue et je pense que c'est sûrement la première qui a une grosse autorité, c'est Nabila. Et Nabila quand elle fait un placement de produit, mon gars, c'est royal. Alors elle fait salut les petites, alors voilà, je vais vous présenter mes trois machins détox, et elle te fait 3 minutes de story. Et je te jure que je mette les 3 minutes, tu vois. Parce que elle arrive à rendre ça. Tu sais, c'est hypnotisant en fait, c'est un truc de mongol, tu vois, mais c'est comme regarder David Lafarge, tu vois. Qui n'est pas un truc de mongol, qui a ah un non, truc oula, de ouais, j'allais m'insurger. Voilà, mais c'est un truc hypnotisant, tu vois, et ça marche. Effectivement, savoir chez qui Bastien s'est fait couper les cheveux, j'en ai rien à foutre. Mais le vrai problème, et c'est le format Insta aussi. Le format Insta qui correspond à une photo un peu moche qui est prise par ton compagnon ou ton pote, nanana, avec le truc, et un commentaire qui est souvent pas écrit par eux. Enfin, tu vois la différence, je pense par exemple à certains candidats des Marseillais qui quand même, même si j'ai beaucoup d'affection pour eux, ne savent pas écrire. D'un seul coup, la définition, enfin la description est super bien écrite avec un peu de vocabulaire tchatcheur machin comme ils disent. Et vraiment là, c'est malaisant quoi. Quand tu regardes ça et tu te dis c'est pas possible. C'est le problème effectivement, c'est que ça s'intègre pas bien dans leur story. Là où tu vois pareil, Nabila, elle arrive à plus ou moins à l'intégrer. Enfin c'est un peu smooth, tu vois, tout d'un coup boum, elle te parle d'un truc et là elle te parle de son dernier thé. Jérém Star, il fait ça aussi ou pas? Je ne suis pas Jérém Star oui, sur Snap. Oui. Ah ouais. Ah bah c'est comme ça qu'il se finance principalement d'ailleurs. Parce que c'est ça qui rapporte le plus d'argent quand même, c'est le meilleur moyen de rentabiliser sa communauté. Et surtout, je pensais à un truc, le vrai problème, c'est quand même quand tu suis les gens et les stars sur leurs réseaux sociaux comme ça, privés, c'est pour avoir l'impression de connaître un peu les détails de leur vie personnelle et d'avoir des espèces de vues de derrière le rideau, quoi. Et là, le problème, c'est que tout ce qu'on te présente, c'est justement de la com officielle. Donc du coup, ça perd beaucoup de son intérêt et de son charme, quoi. T'as plus l'impression d'être leur copain, t'as l'impression d'être leur client, quoi. En plus, ils vendent tous la même chose. Oui, alors ça, voilà, c'est ça, là c'est ouf. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule t'as raison, aujourd'hui, bien. Sujet qui m'a un peu énervé cette semaine. Du coup, je te le dis Mathilde, hein, je suis désolé, mais je ne te suis plus sur Instagram, mais je te le dis aussi Yesta, je ne suis plus sur Instagram, c'est devenu insupportable. Et Bastien, je le suivais pas, mais juste comme je l'aimais pas, je suis allé voir si... Pour confirmer tes dires. C'est non, ça, non, exactement. Il en fait aussi. Eh bien voilà, écoutez messieurs, on est arrivé au bout de la liste. Bah on dirait bien. Ce serait-il pas un 11e épisode qui l'est terminé? Eh si, puis qui dure une heure, donc c'est pas trop mal, hein. Mais, hey. Mais quand on a des bonnes émissions, on fait des plus longs épisodes, on a plein de choses à dire. Ça fait mais, plaisir. Ouais, c'est vrai. Sachez ouais. qu'il ne nous reste que 3 épisodes, normalement. La saison dernière, il y a eu 14 épisodes de Koh-Lanta, donc il devrait y avoir cette année 14 épisodes de Koh-Lanta. Ils ne sont plus que 6, la prochaine fois 5, la fois d'après 4. 4? Et après, la finale. Et donc, c'est bon, la finale à 3, et oui. 3 plus épisodes. Plus le prime, évidemment, à la fin. 3 semaines, encore à se retrouver, je l'espère, tous les 3. Oula, mais attendez, mais ça sera... on sera pas loin de Noël, hein, les gars. On sera pas loin de Noël. Est-ce que je suis en train de regarder? Incroyable, ce nouveau calendrier de Koh-Lanta, un peu étonnant. Ouais. Avec une saison qui recommencera en janvier. Pour de vrai? Non, je sais pas. Non, oh là j'espère là, pas, mon dieu, au oh secours. Non, c'est capable, hein. J'en ça peux sera plus. Le star, de toute façon. L'autre jour, j'y pensais et je me suis dit, mais vous vous rendez compte qu'on fait la moitié de l'année Koh-Lanta maintenant? Mais ouais, c'est fatigant. Les moments de répit sont de plus en plus courts. On est à 28 semaines de Koh-Lanta par an. C'est ouf. C'est ouf. Ils sont fous. On est fous, hein. Est-ce qu'on se quitte là-dessus? Bah on dirait ouais, on est fou. On ne chanterait pas une petite chanson. Moi je chanterais bien une petite chanson. Est-ce que t'as prévu de casser un verre, Franck? Non, je n'ai pas de verre aujourd'hui. Si on se met à chanter, peut-être que ça va faire comme la Castafiore dans Harry Potter. Dans Harry Potter, oui c'est ça, oui. La Castafiore dans Harry Potter. Eh ben oui, mais non, mais il y en a une qui chante, tu vois bien de qui je parle. Dans Harry Potter, il y en a une qui pète des verres. Dans Tintin, elle pète des verres aussi. Oui, elle casse des verres, la castafiore dans Tintin. Dans Tintin aussi. Le jury, de voir Cybèle en ce miroir. Et qu'est-ce que vous voulez chanter? C'est des miroirs alors, ou des verres? Qu'est-ce que vous voulez chanter? Bah, générique de Koh-Lanta. Je sais pas, ça va être horrible. Attention, c'est parti, le aïe, hein. Attention. 3, 4. À la semaine prochaine. À la musique triste. Ça fait tindin. Ah oui. Oh, je vous kiffe. Un mec qui pète, hop, un bruit chouette.